Enculé de ta race! Regarde pas mon cul! Mon cul, c'est pas pour les pédés, hein! Mon cul, c'est pour les Français! Mon cul, c'est pour les Français! Enculé de ta race! Enculé de ta race! Enculé de ta race! Regarde pas mon zizi! Hein? Regarde pas mon zizi! Hein? Regarde pas mon zizi! Mon zizi, c'est pas pour les pédés! Mon zizi, c'est pour les Français! Mon zizi, c'est pour les Français! Alors, enculé de ta race! Casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi! Sale bico! Bico, bico, bico, bico! Ah! Tu n'es qu'un bico! Ah! Mon cul, c'est pas pour les bicos! Mon cul, c'est pour les pédés! Les bicos, c'est pas des pédés! Parce que c'est des pédés de naissance! Un vrai pédé, c'est pas un pédé de naissance! Un vrai pédé, c'est un pédé qui a fait un effort pour transformer son cul en vagin. C'est pas un sale bico qu'il est, avec un cul de pédé. Non, un vrai pédé français, il a fait un effort, lui, pour se faire enculer. Ouais, il est pas né de pédé. Enculé de ta race. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. T'en as rien à foutre de ton cul. Je sais que t'es pédé de naissance. Alors que moi, je suis pas pédé de naissance. Moi, j'ai travaillé la question. Moi, j'ai travaillé la question. Moi, je me suis enculé moi-même. Jusqu'à ce que je me sente capable de me faire enculer par les autres. Hein. Alors casse-toi, pédé. Bico pédé, enculé de ta race. Moi, je suis un Français. J'ai travaillé la question, moi, monsieur. Je suis français.